bout de la griffe nous a menés au long du voyage. Et nous t'avons découvert, royaume d'Idon, plus beau que mirage. Chante la source et l'hirondelle au milieu de tes clairières. Et le soleil sur tes feuillages verse une pluie de lumière. Le chant si doux de la griffe nous a menés au long du voyage. Et nous t'avons découvert, royaume d'Idon, plus beau que mirage. Et nous voilà pour te bâtir, pour inventer l'avenir. Tes chevaliers avec ardeur viendront sauver ton honneur. Ni la peur, ni la détresse, la fatigue ou la paresse.